Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Un printemps au temps du confinement, une série collective réalisée par Angélique Thibault et Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a cette année inédite qu'on vient de vivre et le souvenir de ce mois de mars 2020 qu'on a enregistré à 13 pour fabriquer une archive et rester ensemble virtuellement, comme nos vies numériques pendant ces 8 semaines. Alors pour commencer, les personnages. Un ado qui vit sa meilleure vie, une prof devenue geek, des élèves sur les écrans, une étudiante joueuse, une française de Pékin, une chercheuse, une mère sur le coup et un chercheur qui a de l'humour. Ensuite, le décor, la continuité pédagogique, des cours à distance, des plateformes, la vue sur les collines, Animal Crossing, la surveillance, un 1er mai, du levain et des imprimantes 3D. Aujourd'hui, 3e épisode. J'ai pas de retour vidéo, mais je sais pas pourquoi. On ne sait pas utiliser Zoom. Un printemps, au temps du confinement. Ouais. Périne, on t'entend pas. Une série fabriquée à distance et à 34 mains, avec les moyens du bord et l'agilité de la radio, pour raconter et faire entendre les 55 jours de cette drôle de vie à l'ombre du coronavirus. Depuis un bon bout de temps, vous me demandez comment est-ce qu'on peut préparer sa levure à la maison. Avec les conditions présentes, tout le monde est confiné chez soi et beaucoup n'ont plus de levure pour faire du pain. Non, mais je suis bien connecté, mais c'est l'image qui... C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un guide complet sur la fabrication du pain. Le son et la vidéo en bas, à cliquer. Maman, il a activé la vidéo. En bas à gauche. Oui, je sais. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, là, oui. Ok, bah en fait, c'est mon casque. Your attention, please. Confiné sur Internet. The Nook Inc. Getaway Package Charter Flight. Un récit polyphonique d'un événement numérique. Il ne peut plus y avoir de crise politique, sanitaire, biologique, économique, en dehors d'une perception et d'une transcription immédiatement numérique de cette crise. On l'a vu avec les krachs boursiers, avec effectivement les systèmes d'algorithmes qui échangent des instructions boursières à l'échelle de la milliseconde. On l'a vu avec les gilets jaunes qui se retrouvent dans ces agoras semi-publics, semi-privés qui sont autorisés sur Facebook. On le voit avec le confinement, les écrans, les débats sur la chloroquine. Donc aujourd'hui, notre milieu, c'est un milieu dans lequel le numérique et le non-numérique sont en permanence cohabitants. On se détend avec des activités qu'on aime. Cuisiner, jouer, bricoler. Aujourd'hui, notre milieu, c'est un milieu dans lequel le numérique et le non-numérique sont en permanence cohabitants. La vie, c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, rigoler. Sur la Terre, tout est joli. Ah, là, on t'entend plus, là. Non, là, tu t'es muté, là. Là, c'est bon. Oui, voilà. Super. Confinés dans nos foyers, nous nous sommes évadés grâce à Internet. Les technologies numériques nous ont permis de travailler, de nous divertir, de nous réunir, de créer. Au rythme des messages sur Twitter et des vidéos humoristiques sur Instagram, des apéros Zoom et des tutoriaux sur YouTube, des challenges de danse devenus viraux sur le réseau TikTok, mais aussi des parties de jeux vidéo en ligne diffusées en direct sur la plateforme Twitch, un paysage sonore numérique s'est progressivement constitué, comme une bande-son de ce confinement. Foisonnante, hétéroclite, parfois absurde ou même étouffante. En utilisant beaucoup plus que d'habitude ces technologies, nous sommes aperçus de la relation ambivalente que nous entretenons avec elles. Car si ces outils nous facilitent la vie au quotidien, ils peuvent également se révéler menaçants pour nos libertés individuelles. Allô ? Allô ? Je m'entends, nous. Est-ce que tu es en haut-parleur ? Ouais, je suis en haut-parleur. Ah, est-ce que tu peux enlever ? Bah, je m'appelle Kevin, j'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans cette année. Ma vie, on est 4 dans la famille. C'est un peu dur parce qu'il y a des problèmes de connexion, donc du coup, on est un peu là à s'arracher pour avoir la connexion. Tu joues là en même temps ? Ouais, là je suis en train de jouer. Ouais. Et donc là, tu es avec deux amis à toi, c'est ça ? Juste et Amérique, ouais. Vous vous retrouvez souvent sur Fortnite ? Tous les jours, pendant 1h30, 2h, mais là, vu que mes parents et ma demi-sœur, ils sont partis faire une balade, et bah, du coup, j'en profite un peu pour avoir le réseau, parce que sinon, c'est des fois des problèmes. On pourrait faire plus de choses, mais là, on est limité à une heure de sortie dehors. Vu que je suis ma mère dans la campagne, dans un bled qui s'appelle Polich, bah, je peux sortir, aller me baigner dans des gouffres ou me balader, mais avec un temps illimité, puisque la police, elle passe plutôt pas par ici. Est-ce que le confinement aurait été possible pour toi sans jeux vidéo ? Sans jeux vidéo, pour moi, il aurait été impossible. Bon, après, il y a le travail aussi qui prend un peu. Moi, je bosse 3 heures par jour. Des fois, ils sont obligés un peu de me dire « Kevin, il faut se mettre à bosser », mais depuis le début de cette semaine, j'ai bossé tout seul. Ok, et vous avez donc les cours qui sont donnés par les profs. Est-ce qu'ils exigent beaucoup de travaux ? Pas tellement, non. Et là, t'en es où dans Fortnite ? Bon, là, je suis toujours en train de faire un parcours. C'est 50 niveaux et j'en suis au niveau 10. Comment tu décrirais Fortnite pour quelqu'un qui connaît pas ? Tu tues des gens. On est 100 dans une partie. Tu peux construire pour te protéger contre les balles de tes adversaires. Et tu vois quoi par la fenêtre ? Là je vois une colline qui est en face de moi et devant il y a un champ avec une maison un peu à droite en construction. Et dans Fortnite tu vois quoi tout de suite ? En l'occurrence là je suis dans une île, on est dans ce qu'on appelle un death run, c'est un parcours où tu dois éviter de toucher le sol pour mourir. Tu sais que la vie elle est belle. On voit plus la vie quand on meurt. Du coup, c'est un peu triste. Il faut en profiter de la vie. Tu veux que j'aille te chercher un cookie ? Oui. J'y vais, mon cœur. La nuit est tombée. C'est l'heure creuse de la journée. Nous entamons la 6e semaine de confinement. Vous êtes professeur de français, Charlotte Timonier. Et depuis 6 semaines, vous avez testé un certain nombre d'applications numériques. Oui. J'ai testé Padlet, j'ai testé Spark Adobe, j'ai testé Quizzes, j'ai testé bien sûr ma classe virtuelle du CNED, mais aussi pour les visioconférences. Oui, peut-être. Là, oui, ça risque d'être compliqué. Ah, si vous entendez. Dès lundi. Et jusqu'à nouvel ordre. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Tu sors aujourd'hui ? Non, je sors pas ! Mais pourquoi ? L'annonce de la fermeture des écoles par Emmanuel Macron le jeudi 12 mars au soir était pour nous une vraie bombe. Je crois qu'on avait évité d'y penser jusqu'ici, même si on sentait bien que ça pouvait arriver. Donc, dès le jeudi soir, on a compris qu'il nous restait une journée avec les élèves, donc celle du lendemain, le vendredi 13, et qu'il nous faudrait en une journée assurer nos cours et préparer le plus possible ce travail à distance qui allait suivre, parce qu'on comprenait assez vite que ça allait durer longtemps. Nos élèves avaient été dotés d'ordinateurs à la Toussaint, à peu près, par l'Île-de-France. Le lycée avait choisi d'avoir des manuels numériques, ce qui était assorti d'une dotation en ordinateur pour les lycéens technologiques, de tablettes simplement pour les lycéens professionnels. Pourquoi ? Je pense parce que c'est moins cher et qu'on investit moins dans le lycée professionnel. Ou bien parce qu'on estime que les lycéens professionnels écrivent moins, ont moins besoin d'écrire, moins besoin d'avoir un clavier par exemple. Après, on s'est rendu compte aussi que l'ordinateur qu'on avait ainsi donné aux élèves était parfois le seul de la maison pour 5 personnes. Nos élèves, en ce moment, manquent d'outils numériques. Pour ma part, je regrette ce choix qui a été fait de manuels numériques. Je pense que, finalement, des manuels papier auraient été assez pratiques pour nous dans cette continuité pédagogique, puisqu'au moins, chacun aurait un livre de quoi écrire et pourrait... finalement travailler plus facilement. Et comment... Excusez-moi. Okay. Et oui, il y a une espèce d'inflation là, des moyens de communication. J'avais rallumé mon téléphone. Alors, Bonjour, dans cette courte vidéo, on va vous montrer comment utiliser Zoom comme participant. Alors, probablement que vous allez devoir utiliser ce logiciel-là ou cet outil-là de manière à participer à un cours en visioconférence. Alors, on me demande d'entrer mon nom. Alors, vous cliquez sur « Join » ou « Se connecter ». Et puis, vous pouvez aussi, si vous le désirez, sélectionner dans Zoom, il convient de bien utiliser son micro et sa caméra. Vous devez localiser le coin inférieur gauche. Et là, je dois l'éteindre. Tous les élèves savent se servir d'un ordinateur? Alors non, les élèves ne savent pas se servir d'un ordinateur. Alors je généralise évidemment, quelques-uns y arrivent, mais pour beaucoup c'est compliqué. C'est compliqué. Personne ne leur a jamais appris à télécharger un document, l'ouvrir, l'enregistrer, ou en enregistrer plusieurs versions, et surtout archiver. Je pense que là, les ordinateurs de nos élèves sont de beaux bazars en ce moment. Voilà, le résultat est qu'on a dû faire des tutos improvisés pendant les vacances pour que nos élèves s'en sortent. Et après, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ils sortiront de ce confinement plus forts de ça. J'espère qu'ils y seront arrivés, ou bien complètement perdus. Voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc ceux qui en sortiront vivants auront appris pas mal de choses finalement pendant ce confinement en termes d'autonomie, d'usage numérique. Et on en aura complètement perdu d'autres. Bon. Attendez, je vais juste fermer la porte. Ça bug, mais ça va. Faut arroser les arbres que tu plantes. Non, Fitzgoon, c'est que les fleurs qu'il faut arroser. Et en fait, les fleurs, si tu les arroses, c'est juste pour qu'elles se répandent. Ici, une salle de bain. Allô ? Allô ? Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, je voulais savoir, t'es sur toi là ? Oui, alors c'est compliqué aussi d'organiser la vie à la maison entre le travail et les enfants. Les frontières qui sont parfois floues pour un prof en général, puisqu'un prof travaille déjà pas mal à la maison, deviennent complètement inexistantes. Il n'y a plus du tout de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est d'ailleurs la même chose pour nos élèves. Donc j'ai le bonheur d'appeler des élèves chez eux en entendant les cris de leurs petits frères, de leurs petites sœurs. Où ils sont obligés d'avoir comme ça des doubles discussions, ils parlent avec moi et en même temps disent à leur petit frère, s'il te plaît, c'est ma prof. Donc en fait, ils sont aussi certains, ont beaucoup de difficultés à travailler parce que les espaces sont étroits, surtout en région parisienne, avec parfois des familles nombreuses. Et à l'extrémité, j'ai aussi des élèves qui sont très seuls, avec des familles monoparentales. Bonjour, je m'appelle Dali, j'ai 11 ans. J'ai 3 petites sœurs et 4 grands frères. Et un petit frère. Mes journées, c'était franchement parfois une catastrophe, parfois ça va. Au début, avec les devoirs, ça va. Mais après, j'arrivais plus trop à suivre parce que comme j'avais pas beaucoup de feuilles de classeur, après en mathématiques, j'ai plus de cahiers, on peut plus racheter. Donc je pouvais pas trop les faire. Je m'appelle Audrey Romani, je suis professeure de français au Collège Iqbal Massi. Je suis professeure principale de la classe de 6e A, dont fait partie Dali. Donc au début, on a été en contact, mais en fait, assez vite, j'ai plus de ses nouvelles. Elle ne venait pas à la classe virtuelle. Et ce qui m'a assez étonnée, parce que c'est une excellente élève, en fait, qui est très investie. Donc c'était pas trop son genre de ne pas donner site de vie. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait que donc, son téléphone pour travailler. Merci, mes amis. Bon, allez, on continue, je te suis. Parce que maintenant, je parle à mon ordinateur. Hein. C'est un problème de la continuité pédagogique, ça laisse quelques secondes. Ah, tu vois, je savais que t'allais y arriver. Alors, tu veux écouter le début de la vidéo? Ça y est, elle est prête. D'abord, il vous faut le texte, le poème de Rimbaud. Je l'ai donné vendredi. Mais ça doit être étrange de parler seul. C'est plus pratique. Oui, comme c'est ça, très étrange de parler seul. D'ailleurs, on entend que je suis pas tout à fait à l'aise. L'idéal serait de l'imprimer. Enfin, si vous n'avez pas toutes ces Et donc, cette plateforme du CNED qui avait été vendue comme quelque chose de miraculeux pour les classes collaboratives, finalement s'est avéré pas forcément très pratique. Ce qui s'est passé simplement, c'est que je pense que l'outil n'était pas prêt à accueillir autant de personnes à la fois. Et donc quand on a pu le faire, après, pour avoir 24 élèves en même temps sur une classe virtuelle, c'est impossible, hein, ça marche pas. Il faut de toute façon faire des petits groupes. Donc ça veut dire que l'heure de cours, elle est doublée, voire triplée. Il faut la faire trois fois, en fait, pour avoir trois fois 8 élèves plutôt qu'une fois 24. Et puis, les élèves n'arrivent pas forcément à se connecter, ou bien arrivent à se connecter, mais ont des problèmes de son, d'audio, ou il y a des bruits chez eux, donc tout le monde en profite. Alors, Zoom. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'elle a renvoyé un truc, Nana. Ne pas tenir compte, je viens de vous renvoyer une invitation Teams. C'est celle-là? Non, non. C'est Teams. C'est où Teams? Bah, je sais pas. Merde. Bah, peut-être dans 13h26. Et Teams, ça arrive sur où d'habitude? La dernière fois, on avait fait comment? Bah, je sais pas, c'est toi qui avais fait. C'était sur Google Truc, là, non? T'as son numéro de téléphone personnel? Bonjour Isabelle, c'est Camille Jusel, la maman disait. Bonjour, en fait, on n'a pas l'invitation Teams. Du coup, on a essayé d'autres plateformes. D'ailleurs, notre proviseur a été le premier à nous proposer une autre plateforme qui marche très bien, qui a un grand succès pendant le confinement, même au-delà du scolaire, qui est Zoom. Donc Zoom, ça marche beaucoup mieux, mais ça pose des problèmes de RGPD, donc de respect des données des élèves. Moi, j'hésite beaucoup à leur proposer ça, même si eux-mêmes le réclament, hein, parce que du coup, ils en ont marre des classes virtuelles du CNED, ils veulent Zoom, par exemple. Donc, calculer les framboises. Alors, voilà, c'est ça, maman, j'ai trouvé. Ah non. Zoom permet de modifier, comme bon vous semble, l'affichage des intervenants. Donc là, j'aide Dylan, hein, CM1, mais heureusement que Clara sait se débrouiller un petit peu toute seule en quatrième parce que je peux pas être au four et au moulin. Comme dit, on fait comme on peut. Alors, Dylan, 125 grammes plus 125 grammes, ça fait 250. Oh non, c'est parce que j'ai mangé des fruits que je peux exploser les cailloux et les arbres. Bonjour. Alors, j'ai pas réglé du tout ma vidéo. Ah non, je veux pas aller voir quelqu'un. Oui, donc Olivier Hersheid, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes en sciences de l'information. Olivier Hersheid, le nombre d'utilisateurs du logiciel de visioconférence Zoom est passé de 10 millions d'utilisateurs avant le confinement à 300 millions en 6 semaines. Est-ce que vous avez pensé à acheter des actions de la société Zoom Vidéo Communication? Non, mais parce que je suis très très mauvais gestionnaire, boursicoteur et placeur actif. J'avais déjà raté les actions Google à l'époque de son introduction en bourse. Donc mais effectivement, ça pose question sur la massification ultra rapide en contexte comme ça de crise de certaines applications ou de certains sites. C'est-à-dire que effectivement, on a une plateforme qui se présente là dans un contexte où elle coche toutes les cases des nécessités requises par le contexte d'urgence. Donc c'est stable, c'est gratuit, ça permet de gérer des connexions simultanées relativement massives, c'est fluide. En plus, il y a quelques fonctionnalités rigolotes entre guillemets, et du coup, ça vient occuper des cases qui vont de la visioconférence d'entreprise à l'apéro entre amis. Et donc c'est un petit peu comme le gibolin des chiens, quoi. C'est-à-dire ça marche pour tout. Donc on se rue dessus, et une fois qu'on s'est rué dessus, on commence à s'interroger sur mais au fait, est-ce que en termes de vie privée on est sûr que c'est respectueux ou pas du tout? Ah oui, mais au fait, qui c'est qui est derrière Zoom? Est-ce que c'est une plateforme indépendante? Est-ce qu'il y a un des GAFA ou pas? Je viens de penser à un truc là. Vu qu'en fait on va très certainement être confiné et qu'on a 24 heures pour trouver une solution pour aller dans notre endroit de confinement, ça te dit d'aller à Hawaï? Le confinement, et moi je vais en profiter pour lire, pour écrire, pour réfléchir. Le métier de Facebook, c'est, et d'autres, d'Amazon, de Google, c'est d'essayer de prédire en permanence quels vont être nos comportements pour essayer de prescrire toujours davantage ce qui va dans le sens de leur modèle économique. Depuis que Facebook existe en 2004, depuis que Google existe en 98, et avec les parts de marché qui sont aujourd'hui les leurs, et le nombre d'utilisateurs aussi, hein, Facebook c'est près de 2,5 milliards d'utilisateurs, donc la moitié de l'humanité connectée, ces sociétés-là, elles ont à peu près fait le tour de tout ce qu'il était possible de prévoir en situation normale. Facebook est capable de dire exactement quel type de post, quel type d'échange vous allez avoir dans les prochains mois avec telle ou telle catégorie d'amis, quel type de publicité vous allez voir, etc. Et du coup, ce qui intéresse ces sociétés-là, c'est d'essayer de modéliser les réactions inédites qu'on peut avoir dans des temps inédits qui sont des temps de crise. Soyons conscients qu'à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire majeure, une crise politique ou une crise sociétale majeure, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ces sociétés augmentent, si j'ose dire, leur capacité de compréhension de nos interactions sociales et sont donc toujours plus en capacité d'influer et parfois d'influencer sur la manière dont nous allons nous comporter dans tout type de situation. Et c'est là où ça présente un danger, si on n'interroge pas ça, si on ne pose pas ces questions, parce qu'effectivement, sur les Gilets jaunes par exemple, c'était pour Facebook l'occasion de connaître encore plus finement les opinions politiques de chacun des gens qui participaient au groupe Gilets jaunes sur Facebook, sur des points extrêmement précis, qui sans la crise des Gilets jaunes, Facebook n'aurait jamais pu documenter. Et de la même manière, la crise sanitaire actuelle, tous les débats qu'il y a dans les groupes pro-Raoult sur l'usage de la chloroquine, les mensonges du gouvernement supposé, enfin, etc., tous ces débats-là, ils permettent à Facebook d'enrichir et de qualifier encore plus précisément sa base de données d'opinion, finalement. Il est plus qu'urgent de se poser la question de savoir que vont-ils faire de ces données-là. Si demain Facebook a envie de lancer une campagne massive d'influence auprès de 2,5 milliards de personnes parce que le professeur Raoult aura réussi à convaincre Mark Zuckerberg de l'efficacité de la chloroquine, ça va être très compliqué, ce monde-là. Ah, c'est pas cohérent, c'est sûr, mais c'est comme ça, hein, le jeu a décidé que... Voilà. Et là, écoutez, le chat, je pense qu'on s'est bien démené pour aujourd'hui. J'en ai marre de ma propre connerie. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oh yeah! Attendez, il y a ma maman qui m'a envoyé quelque chose. Ma chère Nathalie, quand je vois un avion dans le ciel, je fais de grands signes à tous les passagers en pensant à toi. Profite de ta nouvelle vie, maman. Merci, fausse maman. Félicitations pour la construction de ta maison. Voici quelques conseils pour y vivre confortablement. Éteindre ou allumer la lumière. Passer en mode décoration, ouvrir l'espace de rangement. Ambrine, tu es doctorante en archéologie à Montpellier. Oui. D'après tes tweets, tu joues beaucoup à Animal Crossing, ce jeu vidéo qui est sorti très à propos le 20 mars, c'est-à-dire 4 jours après le début du confinement en France et qui a très bien marché dans ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ce jeu ? Alors Animal Crossing, c'est un petit jeu sur Switch, sur lequel en fait on incarne notre propre personnage et on est une sorte d'administrateur du Nil désertique qu'on va devoir développer pour que ça devienne un village qui va attirer des vacanciers. On peut choisir où on mettra nos maisons, on peut choisir les infrastructures, on peut alimenter un musée, on peut choisir les arbres, les fleurs qu'on mettra. J'ai vu sur ton fil Twitter des photos d'un intérieur fait de façon un peu bande dessinée en fait. Ici c'est une salle de bain. Une chambre avec un squelette dans un coin. Okay. Donc ici c'est un coin avec des pensées seulement, peut-être qu'il y aura d'autres fleurs. J'ai vu quelqu'un avec les roses en or. Donc, je savais pas que c'était possible de les avoir dans le jeu. Est-ce que tu es confiné plutôt chez toi, je crois que tu habites à Montpellier, ou plutôt dans cet appartement que tu t'es constitué ? Un peu des deux, finalement, parce que avec Animal Crossing, l'avantage, c'est que justement, on peut créer cette grande maison qu'on peut agrandir au fur et à mesure du jeu, qui fait plusieurs étages, et y a ce chez-nous qui est plus petit. Moi, je suis étudiante, donc je vis dans un deux pièces. Et là, on a tout à coup un grand manoir. Alors, on est à la fois confiné dans cet intérieur chez nous à Montpellier et dans ce grand chez nous sur Animal Crossing qu'on peut entièrement personnaliser. Au contraire, le monde n'est pas petit, en fait. C'est pas juste délimité par la taille de l'écran. Il y a une profondeur et donc on se déplace dans le jeu. Il y a du mouvement et donc ça donne vraiment la sensation d'espace. Bon, allez, on continue. Je te suis. On peut voyager dans des autres îles. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Quand je vois la map en bas à droite, j'ai trop hâte. trouve vraiment pratique parce qu'on a l'occasion de faire venir nos amis qu'on peut actuellement pas voir. Et ben là, leur petit avatar peut venir nous rendre visite sur notre île, ou nous, on peut aller visiter leur île. Et finalement, en visitant leur île, on visite leur univers. Donc ça nous permet vraiment d'avoir cette notion de voyage, en fait. Oh, j'adore ces objets-là. C'est des chrysanthèmes en géant, c'est trop beau. En vrai, je kiffe ma vie. C'est la plus belle île, je pense, selon moi. C'est un super jeu Facebook, Animal Crossing, tu vois. Le capitalisme n'est jamais bien loin, et la politique non plus. Et toi, tu irais manifester sur Animal Crossing pour le 1er mai. Ça pourrait être très très drôle, je pense. Surtout qu'il y a une grosse part de... Enfin, il y a beaucoup d'outils de création sur Animal Crossing, donc on pourrait faire quelque chose de très créatif. Tu peux construire des pancartes, changer ton costume pour faire un costume de manifestant. Complètement, c'est ça. On peut faire des petits stands, on peut faire des feux. Donc en fait, on peut vraiment rassembler tout le folklore de la manifestation sur Animal Crossing. Dès le mois d'avril, des militants pro-démocratie de Hong Kong se sont retrouvés sur une île pour tenter de frapper, je vous rassure, à coups de filet de papillon, le visage de Carrie Lam, la chef pro-régime de l'exécutif. Dans la foulée, le jeu disparaissait des plateformes de vente en ligne chinoises. Une stratégie de communication innovante taillée pour séduire les plus jeunes, les politiques ne peuvent plus faire l'impasse sur ce nouveau terrain de chasse. These are Hong Kong's protests. You see a lot of these donation stations. They're free clothing for people to change into if they wanted to. And there are people giving out free. Là, tu peux enregistrer sur Taïwan, Hong Kong, la Chine, je peux y aller, quoi. Oui. Okay. Donc, je m'appelle Marianne Daquet, j'habite à Pékin depuis 14 ans. J'ai eu 3 enfants à Pékin. J'ai monté une école d'art il y a 8 ans qui a fermé sous ordre du gouvernement au début de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, ça fait... 14 semaines d'arrêt, parce qu'on n'est plus confiné, mais d'arrêt de la vie, de l'école, du travail. Et on attend, je ne sais même plus ce qu'on attend encore d'attendre. Pékin est encore complètement, je ne sais pas, comme un espèce de dimanche sans fin. Les gens sont dans la rue, il y a peu de voitures, voilà. Donc, les Pékinois, on avait le droit d'aller à Tianjin et dans le Hebei, qui sont les provinces autour. Et depuis que mon quartier est en zone rouge, les gens de ce quartier ne peuvent plus y aller. Mais les autres gens ont le droit d'aller dans cette province autour. Bon, évidemment, en faisant scanner leur téléphone, qui nous donne un QR code qui garantit qu'on est resté à Pékin et qu'on n'est pas sorti, qu'on a bien respecté. Il y a la reconnaissance faciale partout pour prendre notre température aux entrées de métro. Tous les serveurs de restaurants, les gardiens, les bibliothécaires, tout le monde prend notre température à l'entrée de tous les bâtiments. Quand à l'époque, tous les Français sur les réseaux sociaux disaient « c'est inacceptable, les caméras de reconnaissance faciale ». Et moi, je disais à Pékin, ils n'y arriveront pas, ils peuvent pas. Et en fait, le virus, c'est génial parce que ils y arrivent là maintenant. C'est exactement le moment qu'ils attendaient pour pouvoir renforcer ce contrôle social. Et là maintenant, on est donc déconfiné, mais on est confiné et sous contrôle dans la ville. J'ai pas envie de m'enfermer! Voilà! Arrête, j'ai mal au ventre. On m'enferme pas, moi! C'est comme les animaux, moi! Faut que je sois dehors! C'est interdit. Ouais, c'est sûr. Je suis anesthésiée par la situation. C'est même plus angoissant. On est comme des zombies dans le sens où on attend. On est dans le temps, comme ça, hyper long, qui coule. On attend. La vie à Pékin s'est arrêtée. Le plus inquiétant, c'est vraiment l'utilisation de ces nouvelles technologies qui peuvent géotaguer, identifier des déplacements des individus, connecter aussi à tous les réseaux. Et donc là, il va y avoir aussi, pour gérer ces populations qui sont en lockdown, un tas de mesures pour vérifier et mettre en place des mesures de surveillance. Éric Sautedet, analyste politique à Hong Kong. Et va se développer en fait ce qu'on a appelé des apps, hein, développées à la fois par WeChat et puis par aussi Alibaba. Donc deux apps avec un code vert, jaune et rouge, donc permettant aux gens ou non en dehors du Hubei et de Wuhan de se déplacer. C'est un petit peu le danger que cette surveillance qui a été mise en place, notamment par des apps et des sociétés privées, continue à collaborer avec les autorités publiques. Ces sociétés privées savent très très bien qu'il y a des vrais enjeux par rapport aux utilisateurs de ces apps, qui sont aussi relativement sensibles par rapport à leurs données personnelles en temps normal. Même une société comme Tencent ou Alibaba ont maintenant des départements d'éthique qui sont censés réfléchir sur justement une protection des données individuelles, des données privées. Puis on sait, il y a un développement de tout ce qu'on appelle le crédit social en Chine, avec quand même plusieurs millions de personnes hein, qui sont interdites, par exemple, qui étaient avant le Covid-19, hein, qui étaient par exemple interdites de déplacement, de prendre l'avion, de réserver des chambres d'hôtel, etc., par l'internet, parce que elles avaient enfreint la loi et elles étaient sur une liste noire. Donc on avait déjà, de toute façon, et c'est ce qui avait occasionné un petit peu la naissance dans ces officines privées, de ces départements d'éthique qui réfléchissaient en disant « mais où va-t-on » et est-ce que les utilisateurs vont vraiment se reconnaître dans ce que l'on fait. Donc il ne faut pas croire que ce genre de questionnement n'existe pas du tout en Chine. Ça existe. Le problème, c'est qu'on avait une sorte de, disons, d'une prise de conscience naissante, on va dire, ces deux, trois dernières années, et là, elle risque fort d'être battue en brèche, effectivement, par le durcissement qui a occasionné la crise du Covid-19. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ah ouais, mais non. Non, ta gueule, non. J'avais foot demain, moi, donc je peux pas. Non, mais ta gueule. Mais t'as fait quoi dehors? J'ai fait quelques courses. Oh mon Dieu, c'est comment c'est dehors? Comment ça? C'est comment? Qu'est-ce que tu as vu dehors? Est-ce que les oiseaux chantent? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que les gens sont contents? T'as vu des gens? Est-ce que t'as vu des gens? Est-ce qu'il y a la vie, quoi? Est-ce que t'as vu la vie? Je voudrais sortir, je voudrais être dehors, je voudrais tellement être dehors. Maman, regardez un oiseau. Il n'y a pas si longtemps quand même, hein, quand j'étais encore étudiant, donc il y a une génération, on va dire, on n'avait pas l'habitude de sortir et de croiser des caméras de surveillance à chaque coin de rue. Aujourd'hui, il y a une anecdotisation de ces régimes de surveillance, c'est-à-dire que ça fait partie du paysage. Alors il y a toujours des gens qui luttent contre ça, mais il y a une acceptation sociale qui est entrer dans les mœurs, voilà. Et là, moi, le risque que je vois à l'occasion ou à la faveur de cette crise, c'est que l'acceptation sociale de ces technologies de surveillance, elle passe encore un cran. Et qu'à force de passer des crans, eh ben, il y a un moment où on se réveille un petit peu trop tard, malheureusement, et de manière assez douloureuse. Alors, on ne peut pas attendre d'une société, des hommes et des femmes politiques, ou même des universitaires et des scientifiques, qu'ils réagissent en temps de crise exacerbée comme ils auraient réagi en temps normal. Pour autant, c'est aussi le travail des scientifiques et des universitaires que de rappeler, eh bien, que l'expérimentation, elle ne doit jamais masquer, oblitérer, empêcher la réflexion sur l'impact des expérimentations. Si je prends un exemple qui n'est pas directement lié à des enjeux technologiques, mais si on reprend l'exemple de la figure emblématique de Didier Raoult et du médicament de la chloroquine présenté au début comme un médicament miracle. On a vu deux choses intéressantes se produire, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y a de la médecine et que la médecine elle est là pour essayer de traiter dans l'urgence des patients, et puis il y a la recherche médicale. Et la médecine et la recherche médicale, c'est pas la même chose. Donc que des médecins dans l'urgence sur des gens en situation de grande détresse respiratoire, alors qu'il n'y a aucune autre médication connue, soient tentés et libres d'administrer un médicament qui n'a pas été testé scientifiquement et qui n'a pas fait ses preuves, pourquoi pas? Mais ça doit rester de l'exception, ça doit rester du cas d'urgence et ça doit rester ce qu'on appelle en médecine de la prescription compassionnelle. Pour le reste, tant qu'il n'y a pas d'essai clinique validé scientifiquement de la chloroquine, il est vital, au sens premier, de ne pas administrer ce médicament autrement que dans des situations de prescription compassionnelle. Et je crois que pour le débat qu'on est en train d'avoir là sur la société de surveillance, les applications de traçage, etc., c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que Moi, je ne suis pas contre le fait que des chercheurs publics à l'INRIA essaient de développer des applications permettant de tracer, d'anticiper, d'inférer des modèles épidémiologiques. Par contre, c'est de la prescription technologique compassionnelle. On fait ça parce qu'on cherche des solutions de crise à une urgence sanitaire. Derrière, la recherche informatique fondamentale, elle continue d'avancer. Et la recherche informatique fondamentale, comme la recherche sociologique et la recherche historique, elles nous disent que ces applications-là, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, elles comportent ce risque d'effet cliqué, premier point, et deuxièmement, qu'elles comportent le risque imminent que l'anonymisation, un certain niveau de traitement des données, sera toujours levé. Et comme cette anonymisation, à un moment donné, elle sera toujours levée, eh bien, il faut s'assurer de prendre toutes les garanties pour qu'on n'ait pas en arriver là, ou pour que des gens ne puissent pas se saisir de ça pour faire tout ce qu'on peut imaginer. Uncle, tonton, your uncle mows your tuna. Ton, mowing. Ton, uncle. T'as vu que le confinement, il va durer un an, en fait. Le confinement, il va durer un an. Le confinement, il va durer un an, en fait. Le confinement, il va durer un an. C'est mon cousin, il travaille au gouvernement, il m'a envoyé un audio sur WhatsApp. Toi, t'as un cousin qui travaille au gouvernement? Enfin, genre, il est chauffeur Uber et hier, il a pris un grec dans une rue à côté du gouvernement. Il a entendu des bruits de couloir, quoi. Des bruits de couloir. Après, il a envoyé un pote et le pote, il m'a envoyé après. C'est le cousin d'une meuf que je connaissais au collège. Elle était sortie avec mon daron, la meuf. Du coup, mon daron, il m'a dit... Ton daron, il est pas fiable. Mon daron, il est fiable, c'est sûr. À vous. Pourquoi tu doutes? À vous. T'es dans le doute. À vous. Le doute t'habite. À vous. C'est un mec sur Twitter, il a dit. Voilà. Wow. Qu'est-ce que t'as fait, là? Bonjour. Vous étiez déjà là. Ouais. Alors, je m'appelle Anne Canto, je suis directrice de recherche à l'INRIA, un organisme public de recherche dédié à l'informatique et aux mathématiques appliquées. Et mon domaine de recherche, plus particulièrement, c'est la cryptographie. Vous avez participé à la rédaction, avec 13 autres de vos collègues, d'une note du collectif Risque Traçage par rapport à la mise en place d'une application de traçage pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Pour résumer, si on a une application qui envoie via notre téléphone des codes anonymes aux personnes que nous croisons toute la journée, qui sont récoltés ensuite par exemple par un hôpital qui va diffuser les codes des personnes étant malades et donc prévenir les gens qui ont croisé une de ces personnes de se mettre en quatorzaine, cela peut susciter énormément de dysfonctionnements. Est-ce que vous pouvez citer un ou deux de ces cas très concrets d'une mauvaise utilisation? Un cas qui est assez facile à comprendre, par exemple, le cas d'un supermarché ou d'une chaîne de commerce malhonnête, dans laquelle, quand vous passez à la caisse, vous avez votre téléphone, bien sûr, donc votre téléphone émet ses pseudonymes éphémères, ce qui est tout à fait normal, qui vous permet de tracer les contacts. Donc ces pseudonymes sont enregistrés lors de votre passage à la caisse, mais en même temps, votre identité est enregistrée, simplement parce que vous êtes en train de payer par carte bleue ou bien parce que vous donnez votre carte de fidélité. Donc ce commerce enregistre en même temps vos pseudonymes, enregistre votre identité. Et donc, comme ils ont enregistré votre pseudonyme qui dit que vous avez été à proximité d'eux à un moment, si vous tombez malade, eh bien, ils vont être notifiés. Et ils vont savoir que c'est vous, puisqu'ils auront votre identité. Vous multipliez ça par tous les supermarchés d'une chaîne de supermarchés, par exemple. Vous pouvez imaginer que à une grande échelle, à l'échelle d'un pays, on arrive à reconstruire comme ça un fichier de personnes malades, un fichier nominatif, et que ce fichier, on puisse le vendre, par exemple. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité. Il faut que tu partes. Nous sommes en guerre. Pardon, j'avais oublié de rallumer mon micro. Je disais oui, il faut que je teste les motifs pro et je suis désolée, je suis partie, je pensais que ça allait se lancer, mais non. Ah putain, c'est des pêches. On s'est fait niquer le chat, c'est des pêches. Bon, ça va, il y a des noix de coco. Oui, je vais confiner. Je prends un petit café. C'est biscuit. C'est quoi ça? TikTok, c'est une appli. C'est un réseau social en fait qui. Comment je suis en train d'explorer les choses. Perrine, on t'entend plus? On t'entend plus, Perrine. On demande de numériser le code QR pour vous connecter et associer votre téléphone à votre PC. Donc, en fait, on n'arrête pas de nous dire que ces applications pourraient être anonymes. Là, vous êtes en train de me dire que très facilement, par une coopération de plusieurs personnes ou d'une chaîne de magasins ou en recoupant différentes données qui sont extérieures à l'application qui serait utilisée pour lutter contre l'épidémie, on pourrait très facilement désanonymiser les données de cette application. Oui, c'est pour ça qu'on a intitulé notre article « Le traçage anonyme, un dangereux oxymore », parce que entre traçage et anonyme, il y a un paradoxe qu'il est difficile de lever et que donc on ne peut pas dire que le traçage est anonyme. Et effectivement, on voit bien là que si les applications dont on parle ne sont effectivement pas en train de construire un fichier nominatif des malades, hein, les applications ne font pas ça. Par contre, on peut les détourner assez facilement pour réussir à faire des choses comme ça. Ne serait-ce que parce que quand vous vous connectez à un serveur de l'application, bah, vous êtes en train de vous connecter avec une adresse IP et que cette adresse IP a dit quelque chose de votre identité. Donc, si vous la croisez avec les informations que vous transmettez, c'est assez facile de croiser des informations comme votre téléphone, il contient plein de choses et vous avez plein d'applications qui tournent en même temps que cette application Stop Covid et que donc vous pouvez très bien imaginer que quelqu'un fasse une application que nous on a appelée améliorée par exemple en la vendant en disant aux utilisateurs qu'ils pourraient avoir plus de sécurité ou une application malveillante dans laquelle on récupère à la fois ces pseudonymes qui normalement ne contiennent pas d'informations nominatives, mais d'autres informations, la géolocalisation des gens, etc. Donc oui, c'est impossible de cloisonner les informations comme ça et de garantir l'anonymat. Je pense qu'on va de plus en plus loin dans les risques que nous prenons, et en particulier dans le domaine des données médicales, qui est quand même un domaine qui est extrêmement sensible, à mon avis. Parce que des données médicales, une fois qu'elles sont révélées, on ne peut pas réparer. Des données bancaires, si vous faites pirater votre compte en banque, ben c'est de l'argent et ça se répare. Il y a des assurances, on peut vous indemniser. Si vos données médicales fuitent et vous empêchent ensuite d'être assuré ou d'avoir un emploi, ça ne va pas s'indemniser facilement et ça ne sera pas réparable. Comment être moins stressé pendant le confinement ? Pendant le confinement, c'est normal de se sentir mal, inquiet ou angoissé. Ça fait du bien d'en parler avec ses proches. On est tous dans la même situation, autant être solidaires et bienveillants les uns avec les autres. Pauvre palourde japonaise qui va se transformer en appât. On va pas dû bricoler autre chose, j'ai rien d'autre à faire. Cinquième jour, notre levain n'est toujours pas prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec la palourde ? Attention quand même à ne pas rester trop longtemps devant les écrans. Quand on regarde la texture de notre levain, on voit qu'il y a... Il ne demande qu'à lever. Là-bas, là-bas. Ouais, je vois. Il y a un truc qui vole. Il va arriver là-bas. Wow, mec. J'ai déjà des frissons. Mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité. Vous avez accéléré la diffusion du virus, nous le savions. On met à fond. Wow. Mec, c'est quoi ce qu'il y a derrière, bro? Oh, maximum de cœur sur stream. Un maximum de cœur. Il va traverser, c'est obligé, il va traverser. On y retourne. Bon, bientôt fini avec les clochettes. Manque plus qu'une guirlande. Bientôt la nuit, hein. Il est très très joli le ciel, n'empêche. Confinement, jour 4. Je commence à perdre la tête. Ce que vous décrivez est assez dystopique dans ce qui est en train de se passer, mais je pense que c'est sûrement parce que vous n'avez pas pris d'action de Zoom que vous êtes un peu groggy, un peu en tension. Mais il y a eu quand même, dans ce moment de crise, un usage du numérique assez positif, dans le sens où jamais on n'a partagé autant de savoir sur Internet. On a pu tous apprendre à faire du pain au levain grâce aux tutos de YouTube. On a pu tous apprendre à faire des masques grâce aux couturiers qui ont mis à disposition des patrons. Les imprimantes 3D ont tourné plus que jamais grâce justement à dépôts de plans open source, que ce soit pour des respirateurs ou pour des visières ou pour énormément de choses. Il y a énormément d'œuvres culturelles aussi qui ont été mises à disposition et qui sont tombées dans le domaine public. Il y a quand même eu aussi un moment numérique d'ouverture qui est assez impressionnant. Oui, vous avez tout à fait raison de me ramener à un petit peu d'optimisme. On l'a vu notamment dans le domaine de la culture et du spectacle. Il y a plein d'artistes, des comédiens, des humoristes, des réalisateurs qui ont décidé de mettre en libre accès leurs créations, leurs spectacles, leurs films. Il y a effectivement une dissémination toujours plus grande des savoirs, ou en tout cas une prise en compte de ce que plein de gens, depuis plein d'années, expliquaient, c'est-à-dire que, par exemple, pour la connaissance scientifique, dès que les facs ont fermé, les étudiants ont été privés d'une ressource fondamentale qui est l'accès à la documentation scientifique, à laquelle avant ils accédaient dans leur bibliothèque universitaire. Et donc, il a fallu, il y a des plateformes qui l'ont fait, la plateforme Cairn.info par exemple l'a fait, elle a temporairement, le temps de la crise, ouvert, libéré l'accès à ces savoirs universitaires avant demain, au sortir de la crise, de les remettre derrière un accès payant. Et je cite l'exemple de Cairn, j'aurais dû en citer d'autres parce que Cairn fait partie des acteurs plutôt vertueux, on va dire, sur ces questions. Mais ce qu'on est en train de mesurer, et c'est une question qui est fondamentale et depuis longtemps, c'est qu'effectivement l'accès aux connaissances scientifiques, l'accès à la culture, c'est un élément de sociabilité qui est littéralement vital. C'est-à-dire que si on n'en a pas, on en meurt. Si on n'a pas accès, alors on peut repartir sur le plan épidémiologique et biologique, si tous les développements, toutes les recherches médicales et biomédicales qui sont faites actuellement autour des vaccins, autour des médications possibles, ne sont pas faites dans le cadre de ce qu'on appelle le libre accès aux connaissances, on va vers une situation d'effondrement dramatique, c'est-à-dire qu'on va voir une nouvelle fois, comme on l'a déjà vu à d'autres périodes de crise, on va voir des labos pharmaceutiques qui vont verrouiller l'accès à certaines molécules pour certains pays, qui vont jouer la spéculation pour faire monter le prix de tels vaccins, alors peut-être pas immédiatement au sortir de la crise parce que l'effet d'image serait désastreux, mais sur tous ces aspects-là, si au moins cette crise peut permettre ça, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment libérer l'accès à ces connaissances pour des gens qui en ont besoin, les étudiants, les pays en voie de développement, où l'accès à ces questions de développement médical est absolument vital, eh ben on aura fait un pas en avant. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo spécialement pour les personnes qui pensent que le gouvernement leur veut du bien en organisant tout ce qui se passe depuis quelques semaines dans notre pays. Waouh ! Qu'est-ce que t'as fait là ? Bêtise. Oui, t'as fait une bêtise, ouais. Elle est où la compote, là ? Elle est là. Elle est où ? Attention, ce n'est pas fini. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est la place de la compote ? Alors, je me suis demandé, mais quels sont les intérêts de cette oligarchie ? Eh bien, on pourra vous obliger à vous faire injecter le vaccin avec des puces sous-cutanées pour vérifier que vous obéissez bien. Oui, les puces sous-cutanées, je vous assure, c'est pas des histoires, renseignez-vous là encore, je vous mets un lien, regardez, c'est édifiant. Tu peux enlever la compote de ton front, s'il te plaît ? D'accord. J'en peux plus. La vie reprend son cours, mais le coronavirus est toujours là. Protégez-vous, protégez les autres. Téléchargez l'application Stop Covid. Stop Covid vous préviendra immédiatement si vous avez été en contact avec un autre utilisateur testé positif. Vous pourrez alors vous isoler, contacter votre médecin et vous faire tester. Tous ensemble, téléchargeons Stop Covid et bloquons l'épidémie. Plus d'informations sur stopcovid.gouv.fr. Oui ! Allez, allez, allez ! Tranquille ! Et puis, cette crise, ça a été aussi l'occasion de remarquer Et là aussi, ça fait partie des rares vertus déjà observables de cette crise. Ça fait des années que des acteurs comme Framasoft, qui est une association militante qui développe tout un tas d'outils alternatifs justement aux solutions propriétaires, se bat littéralement avec ses moyens, qui sont ceux d'une petite association, même si elle est aujourd'hui de plus en plus visible médiatiquement, pour que les pouvoirs publics en général, l'éducation nationale en particulier, se disent « il faudrait peut-être qu'on arrête de bosser avec Microsoft, qu'on s'appuie sur des outils libres qui ont été développés notamment par Framasoft et que ces outils libres, on les mette à disposition directement sur les serveurs de l'éducation nationale. » Et au début de la crise, il y a une partie, dans l'éducation nationale en tout cas, des gens qui se sont rués sur Zoom, et puis il y a une autre partie qui s'est ruée sur les services de Framasoft, parce que les solutions de l'éducation nationale ne fonctionnaient pas ou étaient saturées. Et à ce moment-là, l'association Framasoft a dit « Attention, nous, les outils qu'on développe, là, si demain tous les collèges et tous les lycées de France viennent se connecter sur nos serveurs, on explose. Parce que ça, c'est pas notre boulot. C'est le boulot, la mission et le travail de l'éducation nationale ou d'autres ministères que de prendre ces outils-là et de les installer sur des serveurs de l'éducation nationale payés par nos impôts, si j'ose dire, et de mettre à disposition ces outils auprès de la communauté éducative en général. » Ce discours-là, pendant des années, il était inaudible. Et là, bizarrement, on a vu, alors pas partout, mais dans pas mal d'académies, on a vu des académies qui installaient sur les serveurs académiques des solutions Framasoft de visioconférence, d'éditeurs de textes collaboratifs, etc. Donc, que chacun prenne sa part, et si possible, que chacun devienne un turiféraire de la politique du libre, de l'open source et de l'accès libre aux connaissances et à la culture. Mais on s'aperçoit effectivement, oui, que cet accès-là, il est vital. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Peut-être que j'en referai bien plus tard ce soir, mais je pense pas. Honnêtement, on a fait 8 heures d'Animal Crossing sans pause. Ça me paraît être une bonne performance, hein. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, et on continue nos aventures, on continuera à améliorer notre ville. Demain, on aura le musée, on aura le magasin, on aura plein de trucs qui vont se débloquer, je pense. Ça va être vachement plus amusant. Et puis voilà. Mais là, je pense qu'on sait bien. On sait bien. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait durant l'année 2020? Vas-y, dis-le-moi ce qu'on a fait en 2020. On a rien fait. On a battu le Covid, les gars, tout le monde est resté chez soi. Qu'est-ce qu'on a fait durant l'année 2020? Vas-y, dis-le-moi ce qu'on a fait en 2020. On a rien fait. On a battu toutes les équipes à deux en ligne sur FIFA. C'était la série documentaire « Un printemps au temps du confinement ». Un trou noir, c'est pas si loin que ça. Non, pas un trou noir, le truc... Ouais, ça c'était chiant. Papillon et tout, là. Ah ouais, à l'époque, c'était vraiment des trucs de fou, genre le trou noir et tout. Ouais. Alors on se dit « What the fuck ?» Ouais, c'était quoi, ça, wesh ? Confiné sur Internet. Après, il y avait un truc aussi, il fallait voter pour le truc, et le vote, il était interactif, ouais. Je sais pas comment ça a pu être comptabilisé tous les votes. Avec Olivier Child, Kevin, Charlotte Timonier, Dali, Audrey Romani, Ambrine, Marianne Daquet, Eric Sautedé et Anne Cantou. C'est Drake qui chante. Un documentaire de Perrine Kertrand, Alain Lefkovitch, Mathias Mégy, Jérôme Sandlars, Marie Charlie, Antoine Tricot, Johanna Bedeau, Camille Jusa, Uldi Maillot, Rémi Dibowski-Douat, Émilie Chaudet, Najma Bokra, Valérie Borst, Bernard Lanier, Pauline Bocor, Valérie Lavalard, Anne Pérez, Marie-Vonne Abolivier et Angélique Thibault. Il nous fait écouter un son. Vous pouvez marcher sur l'eau, hein, si jamais. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter après la réunion Zoom, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. demain, dernier épisode, la recherche au temps du confinement. Mais en attendant, restez à l'écoute.